Salut à tous et bienvenue sur Not Your Fan pour ce nouveau top 10 du mois avec Japy. Premier titre classé à la 10e place, Passing Thing par le groupe Froth de Los Angeles. We'll be right back. Les Montpelliérains de Kerst se classent 9e avec Balloon, extrait de leur album Misophone. 9. I feel lying and feel well. À la 8e place, nous retrouvons l'américain Iron and Wine et le titre Call It Dreaming. 8. Say it's here. Where our pieces fall in place. Any rain softly kisses us on the face. Anywhere means we're running. We can sleep and see them coming. Where we drift and call it dreaming. We can weep and call it singing. Strong enough, we can bow 'cause our music's warmer than blood. Where we see enough to follow, we can hear when we are hollow. Where we keep the light we're given, we can lose and call it living. Where the sun isn't only sinking fast every night. Knows how long it's supposed to last. Where the time of our lives is all we have. And we get a chance to say before we ease away. For all the love you've left behind, you can have mine. pieces fall in place. We can fear, cause the feeling's fine to betray. Where our water isn't hidden, we can burn and be forgiven. Where our hands hurt from healing, we can laugh without a reason. Cause the sun isn't only sinking fast. Every moon in our bodies makes shining glass. Where the time of our lives is all we have, and we get a chance to say before we ease away. Le groupe de Brighton, Hollow Hand, est à la 7e place avec End of Everything. 7. No doubt about it, I'll need more time. I saw a spinning circle flying through my mind. When the leaves are trembling and the soil is getting dry, when all the songs are falling softly out of time, I tried everything, still the more I saw them all. On avance dans ce top 10 et on écoute South of France par les Marseillais de Dissonant Nation. 6. Let's have some fun deep in the woods. Drive faster than the gangsters shoot. Let's rob the moon this afternoon. Let's have some fun this afternoon. Cigarette, it's true. it's true. It's impossible. Impossible. Caroline Says de Austin au Texas est cinquième avec I Think I'm Alone Now. 5. En quatrième position, nous retrouvons Love is Mystical par Cold War Kids. 4. Inspiration, 'cause Et nous voici arrivés au trio de tête de ce top 10 de février, et c'est Blender qui est troisième avec In and Out. C'est le Suédois Peter Van Paul qui se classe deuxième avec son titre Inertia. Ask Et les premiers de ce mois-ci, les Anglais The Sherlocks et leur titre Live for a Moment. One. ça vous a plu? Alors rendez-vous sur Not Your Fan pour le nouveau top 10 le mois prochain. Au fait, la musique du générique, c'est les French Bastards avec le titre Golden 80s.